Et les borsouzou, c'est quoi? Les borsouzou de pommes de terre? Oui, c'est parce que j'en avais jamais entendu parler, puis hier au CERF, il y a une dame qui m'a dit. Ah bon? C'est vrai? Vous en avez jamais entendu ben parler? Non. C'est spécial à Braine, non, ça, ou c'est quoi? Alors, le borsou, c'est bon, hein. Ben, on fait cuire la pomme de terre, on la fait bouillir, et puis on la passe au moulin à légumes, à la moulinette. Oui. Et puis on prend un poireau, ou deux, ça dépend de la quantité que vous faites, et vous faites un peu roussir, vous voyez, vous mettez dans une casserole avec de l'huile. Et vous faites roussir votre poireau et vous le videz dans ces pommes de terre. Alors là, il faut du fromage, du poivre, du sel, il faut saler. Et le fromage, toujours du brise. Ah oui, moi je fais que ça. Et du fromage, le poireau, un peu de lait, pas beaucoup, parce que sinon ça s'ouvre dans la poêle, parce qu'on les cuit à la poêle. Hein. On fait un genre de purée, si vous voulez, voyez. Seulement, il y a le fromage. C'est une purée, fromage, et le poireau. Oui. Voilà. Et puis alors, on mélange bien tout ça, ça fait une purée. Mm-hmm. Et on fait la pâte, comme la tourte. Dans les temps. Alors, dans la pâte, comme la tourte, vous dites, il y a de la farine, de l'huile, de l'eau. Un peu de sel. Et du sel, il y a assez de. Ah, il n'y a pas des œufs. Non, moi, j'en mets pas des œufs dans la pâte. Moi, mais ma mère, elle m'a appris comme ça et ma grand-mère, elle faisait comme ça. On met pas de. On met les œufs dans les taillarines aux œufs, mais pas dans la pâte pour la tourte. Alors après, quand la pâte est étalée, vous étalez votre purée, vous voyez. Bien, mais il ne faut pas que ce soit trop, qu'il y en ait trop, vous savez. Bien étalée avec la fourchette et puis vous couvrez avec une autre pâte. Et vous coupez des carrés. Avec la roulette, vous coupez des carrés comme ça. Vous voyez? À peu près, bon, on dit ça. On fait des petits carrés. Et on met ça dans la friture. Ah, oui. Ça se cuit comme les boursons, vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait souvent Ça, on le fait tout l'hiver. Hein. Tout l'hiver? Tout l'hiver. Ah oui. Pas en été, vous voyez? Parce que la pomme de terre, en été, c'est pas ça. Oui. Les pommes de terre sont mauvaises, c'est pas ça, il faut plutôt des pommes de terre faites déjà, vous voyez, des pommes de terre. Et ça, c'est un plat habituel, je dirais. Ah, ça, c'est un mange ça, on mange pas autre chose. Hein. Ah, on mange pas autre chose. Ah. Et puis ça, c'était facile pour porter, vous voyez, parce que quand on était jeune, on allait porter à manger aux parents, vous savez. Et oui. Mon père, il allait travailler. Alors, s'il était prêt, ma mère, elle faisait les boursouzes et puis je lui apportais. Ah, oui. Vous voyez. Et, ça doit être bon, c'est magique. Ah, c'est bon, hein. Ah, du beurre, il faut, hein. Ah, du beurre aussi. Oui. Dans la purée, il faut du beurre. Alors moi, voilà, quand mon poireau est cuit, je mets le beurre et je l'enlève sur le feu. Parce que le beurre, il ne faut pas qu'il cuise, vous savez, il faut qu'il fonde. Oui. Et je vide le poireau comme ça dans la pomme de terre. Oui, il faut du beurre. Vous voyez, on oublie. C'est bon, hein. Ça manque, Oui. Surtout le beurre, on en faisait ici, j'imagine. Les beurres? Oui. Non? Pas trop, ouais. Pas trop. Il y avait bien quelques fermiers là-haut à la montagne, mais... Ça, il était bon, par exemple. Ah, oui. Hein. Oh, oui, il faisait du bon beurre, mais enfin, il faisait pas... Oui, pas des kilos, quoi. Non. Ah, oui, si, c'est l'olive qui primait avant, quoi. C'est l'huile d'olive. Les gens ont un peu abandonné, non, de consommer de l'huile d'olive. Ben, vous savez, il y en a ces dernières années, là, on disait que l'huile d'olive faisait mal, que le cholestérol, alors... Et maintenant, on dit l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Les gens l'ont reçu. Et oui, c'est vrai, hein. Maintenant, c'est l'inverse.